C'était Run DMC et Aerosmith en 1986 qui nous conseillaient de suivre leur voie à un chemin pas si évident à trouver. Alors vous avez trouvé le chemin? Oui, minute, on fait le point. Tu mens! Tu sais absolument pas où on est! On est complètement perdus, on va tous mourir ici, on va tous mourir gelés! Et tu seras content, content! Calme-toi! Calme-toi! Non, calme-toi! Calme-toi! Eh bien, pour nous, à 11h11, le chemin est évident. Il est temps d'ouvrir immédiatement ce 174e épisode du Mange un Palace afin que nous amorcions ensemble nos modestes péripéties laïques avec notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais qui, ce matin, a joué les ornithologues en observant à travers ses lorgnettes un vieux coq, puis un rossignol milanais et quelques vautours affamés. Allez, en route, maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Monsieur le Président, bonjour. Oh la vache. Bonjour. Et l'Irlande, Valéry Giscard d'Estaing. T'es dingue, tu m'as foutu la trouille. A donc voté oui ce week-end au traité de Lisbonne. Vous vous en réjouissez, j'imagine. Naturellement, oui. J'étais allé moi-même en Irlande au mois de février dernier. Vous savez, je suis un gentleman, alors... Je tiens à rester discret. J'étais revenu avec la conviction qu'il voterait oui. Vous allez faire des commentaires comme ça toute la journée, vous ? La leçon d'Irlande, c'est que probablement, si on avait suivi le même processus en France, ce que j'avais discrètement recommandé... T'es un sacré petit malin, toi ! Il est probable qu'on aurait adopté la Constitution européenne. Arrête, merde ! Pourquoi tu casses l'ambiance avec tes putains de trucs à la con ? Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en Italie, Silvio Berlusconi s'est empressé de faire voter une loi le protégeant de toute espèce de problème judiciaire pendant la durée de son mandat, une immunité pénale, en d'autres termes. Et il fallait évidemment sauver les apparences. Sauf que les juges de la Cour constitutionnelle ont invalidé la loi, hier, privant ainsi le chef du gouvernement italien de son parapluie. Si toutefois on peut qualifier cela d'apparence. Mouillé dans une affaire de corruption et dans deux dossiers distincts, Berlusconi se retrouve donc, en théorie, injusticiable comme les autres. Mais quand on parle du loup, eh oui, il va y avoir du spectacle. Nous avons une minorité de magistrats rouges très organisés qui utilisent la justice à des fins politiques. Vous avez une honnêteté un peu déconcertante, vous, non ? Les trois quarts de la presse est de gauche. Les émissions à la télévision publique, payées avec l'argent des Italiens, sont de gauche. Tu te fous de moi. Même les comiques se moquent de nous. Encore heureux, bordel de Dieu. Et remonte-moi ce pantalon ! Ces choses-là, elles sont pesantes pour moi, elles sont pesantes pour les Italiens. C'était hier soir à Rome, cette déclaration, devant la résidence personnelle de Berlusconi. Je trouve ça d'une vulgarité sans précédent. Va-t-on donc vers une affaire Mitterrand ? Cela a commencé lundi soir sur France 2 avec la vice-présidente du Front National. Oh pardon, excusez-moi. Qui a reproché au ministre de la Culture ses écrits relatant son penchant sexuel pour les jeunes garçons. La vice-présidente du Front National faisait allusion à un livre paru en 2005. Eh bien, si vous êtes prêts, je crois que nous allons pouvoir commencer. Mais ce matin, c'est le porte-parole du PS, Benoît Hamon, qui a qualifié à son tour de choquant l'ouvrage du ministre de la Culture. Ce livre est présenté comme une autobiographie. Il répète ensuite, c'est sous la forme d'un récit littéraire, des propos qui justifient le tourisme sexuel. Donc si ça, c'est pas grave, je sais pas ce qui est grave. Quant à Frédéric Mitterrand lui-même, voilà ce qu'il répondait ce matin à Benoît Hamon. C'est bien dommage de pouvoir imaginer que des élus de gauche aillent rejoindre le Front National Je dois dire que là, les bras m'en tombent. Eh bien, c'est à peu près ça. Une journée au Kazakhstan, Nicolas Sarkozy. Zoltan est en visite aujourd'hui dans cette ancienne république soviétique qui regorge de pétrole et de gaz. De quoi jouer les VRP de luxe au nom de la France qui commence tout juste à prendre pied dans ce pays dirigé par un président à vie très modérément préoccupé par les droits de l'homme. Ce qui m'étonne toujours, c'est de voir à quel point vous êtes dénué de tout scrupule. Et en effet, cette semaine, président Sarkozy a passé une journée au Kazakhstan, dis donc. Le Kazakhstan, ce beau pays d'Asie centrale, hélas trop peu connu. Bon, déjà tu galères un peu pour le situer sur la carte, donner la capitale, c'est pas fastoche non plus, et quant à savoir où se situe le H dans Kazakhstan, je ne t'en parle même pas. Cependant, comme il se doit, avant tout voyage officiel, président Sarkozy a potassé ses dossiers. Et pour cela, il a fait venir secrètement Philippe de Villiers, nouvellement rallié à la majorité et grand spécialiste de la question kazakh. Regardant la piste, nous apercevions, Charles et moi, la Kazakh rose, un peu défaite. Et juste derrière, Kazakh décoloré, sur laquelle on peut deviner les lettres RPL, Rassemblement pour le libéralisme. Et juste derrière, il y a une Kazakh tricolore. C'est la France. Bon, voilà, au moins maintenant c'est définitif. Hors la Vendée, Philippe de Villiers maîtrise nada. Et cela n'a pas résolu les tracas de notre président pour préparer son départ au Kazakhstan. Du coup, Nicolas Sarkozy a fait appel à son fidèle conseiller Henri Guénaud, un spécialiste des Kazakhs et accessoirement un grand khan. Regardez, grand khan. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un globe terrestre avec des reliefs. Oui, là, il y a le Tian Shan. Ça devrait être l'Inde, a priori. Et ici, la Kazakhie. La Kazakhie ? Non, ce n'est pas possible. Henri Guénaud explique aussitôt à président Sarkozy qu'il va falloir faire un petit effort là pour apprendre le nom de ce pays parce que si on veut vendre nos trucs et nos bidules aux Kazakhs, il est hors de question de se foutre de leur tronche. Bref, c'est ainsi que notre président a décollé mardi dernier, accompagné d'un troupeau de grands patrons, avec Rachida Dati en bonus track, direction Astana, la capitale du Kazakhstan. Et en survolant cette fière contrée, Rachida fut émerveillée en découvrant l'envoûtant paysage de la steppe kazakh. Et c'est dans cette steppe que notre président a débarqué mardi dernier à Astana, la capitale du Kazakhstan. À peine débarqué à l'aéroport, M. Sarkozy s'est tout de suite rendu au palais présidentiel où l'attendait le si sympathique Nursultan Nazarbayev, président du pays et accessoirement dictateur. Et Nursultan, il a très bien accueilli notre président. C'est mon pays, le Kazakhstan. Il est situé entre Tadjikistan et Kyrgyzstan et enculé d'Ouzbékistan. Ça, c'est ma maison. Venez, je t'apprends. Elle, Natalia, c'est ma grande sœur. Elle est quatrième prix prostitution dans tout le Kazakhstan. Et ça, c'est ma femme Oksana. C'est une habitante. Qui est-ce, Djomba? La Martista, qu'est-ce que c'est, Djomba? Altis Garava. Asite, s'il vous plaît, venez. Nicolas Sarkozy est venu, mais pas seul, puisque le but de ce voyage, c'est évidemment le commerce. D'ailleurs, aussitôt après avoir investi le palais présidentiel, tous les patrons de la délégation française se sont précipités pour tenter de refourguer leur camelote à tout prix et à n'importe qui. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Lieutenant. Voilà un joli TTX 120. Pour toi. Tiens, un missile solaire. Enfin, une arme. Tiens, un joli petit GL-22. Hein ? Et toi, ma petite fille, qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Général. Tiens, deux chars pour la petite fille. Et maintenant, mes enfants, n'oubliez pas de bien les montrer à vos papas. Ce sont les répliques exactes de nos modèles courants. Livrables en 2 mois. Ah ben oui, hein? Fallait s'attendre à quoi? D'infinies discussions sur les droits de l'homme? Oh, arrête un peu, hein? Bien sûr que non. Là, le but était clairement affiché. Ce voyage a été organisé pour favoriser la rencontre entre des âmes esselées, à savoir celle de l'industrie française et celle des acheteurs du bout du monde. Mais attention, pour les grands patrons, pas question de perdre du temps lors de ce voyage éclair. J'ai 33 ans, je dirige le service contentieux d'un groupe pétrochimique, je suis végétarienne, j'aime tous les styles de musique sauf le rap, le zouk, la salsa, la techno, le jazz, la funk et le reggae. Moi j'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque. Ah. J'ai 32 ans, je suis responsable de la DRH dans un groupe de télécom, je vis dans un 70 mètres carrés boulevard Raspail avec balcon et ascenseur, je conduis une Audi A3, injection, j'aime aller à l'opéra, passer des week-ends à l'étranger, je ne supporte pas les torses velus ni les ongles sales et je ne pratique pas la fellation. D'accord. Excusez-moi, mais pour la fellation, c'est définitif? Oui, c'est définitif. Et d'ailleurs, la pompe à fric s'est enclenchée avec brio mardi dernier, puisque c'est en milliards d'euros que s'évaluent les contrats qui ont été signés entre les entreprises françaises et le Kazakhstan, pays passionnant par la richesse de son sous-sol en hydrocarbures. Mais attention, ne va pas t'imaginer que Nicolas Sarkozy ne s'est pas intéressé à la richesse culturelle de ce pays d'Asie centrale. Ça l'a aussi passionné, l'histoire de ce pays-là. Commencez déjà? Ah oui, le Kazakhstan. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être aux côtés du président Nazarbayev. Pour la France, le Kazakhstan est un partenaire absolument stratégique dans une région du monde qui a besoin de stabilité. Le Kazakhstan est un pays stable, ce n'est pas si fréquent dans la région. Le Kazakhstan a connu, depuis l'indépendance, une croissance absolument fantastique. C'est donc une région où le Kazakhstan peut jouer un rôle essentiel. KKT, Kazakhstan. Oui, bon, d'accord, personne n'est à l'abri d'un dérapage lingual. Ça arrive au meilleur. Et de même, il ne faut pas trop critiquer ces voyages dont le but affirmé, c'est de ramener de l'oseille et puis c'est tout. Donc, hors de question d'aborder les sujets qui fâchent. D'ailleurs, les voyages ont cela d'intéressant qu'ils sont toujours source d'enseignement. Et puis ensuite, si Nazarbayev, qui est président depuis l'indépendance en 1991, s'il reste populaire auprès des Kazakhs, cet ancien chef du parti communiste kazakh sous l'ère soviétique a dérivé vers la gestion autoritaire. L'élimination des contre-pouvoirs, le népotisme, le changement des lois pour pouvoir se maintenir président à vie. Alors c'est curieux parce qu'il semblait vouloir s'en différencier depuis 1991, mais le régime kazakh aujourd'hui semble suivre de près le modèle autoritaire russe à la Vladimir Poutine. Il devrait être content pour une fois qu'il reçoit des touristes. Personne n'y va tellement c'est moche. On devrait le féliciter, Poutine. I'm C'est ici la chanson que nous offre cet automne le groupe british The Heavy. Son titre, Short Change Hero. Le héros change de short, donc Heavy comme le surfeur d'argent. Je t'ai pas raconté au fait l'autre jour. Je croise le surfeur d'argent, ouais. Et ben il me tape. Il tape. Et tu lui as rendu ses coups? Non, il me tape du blé. Tu le crois ça, le surfeur d'argent, il me tape du blé. C'est le monde à l'envers. Je lui ai dit qu'il pouvait se gratter. En plus, ça lui fera de la thune. J'ai pas compris. Surfeur d'argent, ouais. Il se gratte. Ouais. Ça lui fait de la thune, ça lui fait de l'argent. Alors maintenant, après avoir découvert les étranges aventures de Sarko Polo au Kazakhstan, il est temps maintenant, à 11h26, de nous intéresser à certains amis fortunés de cet intrépide explorateur. Car vois-tu, depuis mercredi dernier, de gros bonnets, intimes du pouvoir exécutif, se réjouissent que nos députés examinent en priorité un projet de loi pour légaliser le poker et les paris sur Internet. Aux yeux du gouvernement, il s'agit avant tout de mettre fin à une pratique illégale déjà bien répandue, paraît-il. Oui, enfin, c'est surtout un merveilleux butin dont certains vont se goinfrer d'ici quelques mois au détriment de personnes fragiles qui vont évidemment sombrer dans un méchant gouffre financier et psychologique. C'est pourquoi, mercredi dernier, nos joyeux fantômes radiophoniques ont été désignés pour évaluer les risques de l'addiction aux jeux d'argent. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions bluffés par l'initiative du gouvernement. Mercredi soir, l'exaltation nous gagnait à l'idée que bientôt, on pourrait jouer partout, tout le temps. Alors faites vos jeux, mesdames, rien ne va plus. Certains experts en ludodépendance n'étaient pas très chauds, comme Philippe Bouvard, qui connaissait si bien les casinos. Car un casino n'est qu'une gigantesque clinique. Tous les gens sont malades, tous les gens font là ce qu'ils ne feraient pas autrement. Le joueur, le vrai joueur, vit dans une société asexuée. D'ailleurs, faites traverser une très jolie femme dans le plus simple appareil, personne ne la regardera. Ce qui compte, c'est d'être là au moment où la chance passe, mais pas quand la femme passe. Mais Lucien Barrière le trouvait trop sévère. Il avait tellement de tendresse pour la faiblesse des joueurs. Le joueur, pour moi, est un optimiste impénitent. La preuve en est que des gens qui jouent depuis des années, depuis 20-30 ans, continuent à tenir les martingales, n'est-ce pas, et à les pratiquer, sachant que à la fin de l'année, ils seront perdants. C'est à peu près certain. Pourquoi continuent-ils alors? Pour percer ce mystère, Lucien Barrière a installé un casino expérimental à l'INA. Comme ça, il pouvait nous observer. Faites vos jeux, messieurs. À la table 2, les cendriers débordaient et la lumière des lustres vieillots faisait paraître le tapis bleu de nuit. Nous étions venus contempler les mains des damnés dans cet enfer du jeu de Monaco. Nous voulions en épier les crispations, en compter les bagues, suivre le tapotis anxieux des doigts sur les grandes plaques au moment où la chance hésite entre le sourire et la dérision. Et dans la chaleur du tripot, Roger Caillois était repris par sa vieille obsession du jeu. Éprouver plaisir à la panique, s'y exposer de plein gré, pour tenter de ne pas y succomber, avoir devant les yeux l'image de la perte, la savoir inévitable, et ne se ménager d'issue que la possibilité d'affecter l'indifférence. Accepter l'échec comme simple contretemps. Accepter la victoire sans ivresse ni vanité. Ce recul, cette ultime réserve, par rapport à sa propre action et la loi du jeu. Alors, M. Bonguin, le bien nommé, a surgi pour sauver Roger. Comme mathématicien, en appliquant strictement le calcul des probabilités, je ne peux pas prétendre qu'on peut gagner au jeu, c'est bien le contraire. On ne peut que perdre au jeu puisqu'on joue à un jeu qui est inéquitable, les casinos se réservant un impôt qui met le joueur en difficulté. Alors l'impôt des casinos, si je prends la roulette par exemple, le casino paie 35 fois la mise en cas de sortie d'un numéro plus la mise qu'ils vous redonnent, alors que vous avez 37 numéros contre vous. Par conséquent, vous perdez à chaque fois un 37e de votre mise en moyenne. C'est un avantage qui pèse lourdement sur le calcul des probabilités, parce que le casino a un avantage sur vous qui, à la longue, va peser d'une façon extraordinaire et fera perdre automatiquement le joueur. Après ça, on s'est tous ressaisis. Le jeu est activité de luxe et qui suppose des loisirs. Qui a faim ne joue pas. D'autre part, il est condamné à ne rien fonder ni produire, car il est dans son essence d'annuler ses résultats, au lieu que le travail et la science capitalisent les leurs et peu ou prou transforment le monde. Et on n'était même pas déçus quand on a su que finalement, on n'avait rien gagné. À l'occasion du prix du président de la République, tranche spéciale de la Loterie Nationale. On se dit, mais qui c'est celui qui a pensé à ça? Rollo, 5 millions. Bonsoir. Et encore bravo aux deux seules gagnantes d'hier, qui étaient, je vous le rappelle, mesdames Josiane et Sylviane Bouygues. Bonsoir. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir malicieusement rempli notre casina par un casino. Rien ne va plus, mais faites vos jeux car il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manche Impalace à 11h32, il est grand temps de dérouler le tapis vert pour Jean-Claude, fagoté comme l'as de pique, et Monique, la dame de cœur. Et avant tout, sache que lundi dernier, après sa journée de boulot, comme d'habitude en début de semaine d'ailleurs, notre Jean-Claude avait prévu d'aller boire une bière avec son collègue Hervé. Seulement voilà, une fois devant la taverne, quelle ne fut pas leur surprise quand ils ont vu débouler l'aubergiste. Vous ne foutrez plus les pieds chez moi tant que vous n'aurez pas remboursé toutes vos dettes. Jusqu'au dernier rond. Attention, hein, je vous préviens, je serai inflexible. Mais vous pouvez pas faire ça, il y a crime. Vous avez quand même nous laisser rentrer, allez, quoi. Mais vous pourrez rentrer tant que vous voudrez, quand vous aurez casqué. En attendant, ben vous buvez de l'eau, vous allez entamer une ardoise chez la concurrence. Moi, je ferme les robinets. Bon, et ben maintenant, vous vous tirez. Vous reviendrez quand vous aurez trouvé une carriole pour y entreposer tout le fric que vous me devez. C'est clair? Allez, houst! Eh oui, criblé de dettes mais infichu de les payer, Jean-Claude et son collègue sont devenus indésirables dans leur taverne fétiche de Gros Boule les Bains. Du coup, que faire? Eh bien, c'est alors que le collègue de Jean-Claude lui avoue qu'il a peut-être une solution à leur petit problème de trésorerie. Par trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, commandé force boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. C'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on les cartes. J'en jette trois car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris trois cartes et lui deux cartes. Vous, combien de cartes? Moi, juste une carte. Ah, faut se méfier, il y a du bluff dans l'air. Très excité par cette idée, puisque le gouvernement encourage dorénavant les petits salariés à jouer leur paye au poker sur Internet, Jean-Claude et son collègue décident d'aller faire fortune dans ce mystérieux tripot surnommé Jack n'a qu'un œil par les habitués. Et après avoir montré patte blanche, nos deux lascars pénètrent dans cet étrange tripot où règne, il est vrai, une atmosphère très particulière. Non mais tu vois Jean-Pierre, je pensais qu'il bluffait le barman. Je l'ai relancé, il a une paire de 10 et moi rien. Du coup j'ai paumé. Alors, comme j'ai plus une thune, ben, je dois bosser 6 jours à sa place. Black Day, quoi. Je m'en fous, Patrick. Je m'en fous. Serre-moi un jean. Fatigué, lui, avec son poker. D'accord, j'ai compris. Tu veux que je te serve un jean, mais en fait, t'en veux pas. Tu bluffes. Je vais plutôt te servir un jus d'orange. Hein. Fatigue, lui. Il me fatigue. Whisky, please. Un whisky, ouais. Je te vois venir. T'es américain. Un whisky, trop facile. Tu bluffes. Allez. Je suis, je te sers un Coca Light. En attendant, je relance avec des cacahuètes. Ouais. Peu plus de toutes ces conneries, franchement. Jean-Claude est fasciné par cet endroit qu'il découvre. Les volutes de clopes dansent au rythme d'un vieux jazz et les joueurs de poker ont des tronches patibulaires dignes d'un tripot colonial de Macao. Après avoir choisi une table de jeu, Jean-Claude et Hervé commencent à taper le carton avec les maigres euros qu'ils ont trouvés dans le fond de leur poche. La partie commence, ils sont 6 et après une petite heure, Jean-Claude a ramassé quelques centaines d'euros, dis donc. La baraka. Seulement voilà, vers 22h, la chance semble tourner en faveur d'un autre joueur, ce qui exaspère Jean-Claude. Un nom de Dieu sans moi. Ah non, il aurait fallu payer pour voir. Tu as dit que tu ne bluffais jamais. J'avais une paire d'as. Non, j'ai dit que je ne trichais jamais et qu'il était très rare que je bluffe. Et là, j'ai eu une occasion. Tu triches depuis le début de la partie. Mais qu'est-ce que tu crois que je faisais pendant cette première heure de jeu? J'ai observé tous vos tics. En ce qui te concerne, t'as une manie qui trompe pas. Quand t'as un mauvais jeu, tu regardes tes cartes et t'arrêtes pas de les intervertir et de les retourner dans ta main droite avec une certaine nervosité. Je viens de te traiter de tricheur. Oui, tout à l'heure, tu m'as traité de trouillard. Mais je pense que tu plaisantais. Jean-Claude ne plaisante pas. Il est en train de se faire plumer et il est persuadé que ce type est en train de tricher. Mais il n'ose pas lui mettre son poing dans la tronche, car c'est un ancien pote de régiment de son collègue Hervé. Cela dit, le type en question réclame soudain de faire une pause, car soi-disant, il ne se sent pas très bien. Ce qui permet néanmoins à Jean-Claude et Hervé de faire le point sur la situation. Elle me fait chier cette partie, Hervé, putain, j'ai jamais vu ça, et l'autre qui se gave, une chance de cocu, là. Non, mais attends, calmement, aussi perdu au début, maintenant c'est lui qui a la main, mais tout à l'heure, tu vas voir. Ouais, tout à l'heure, j'ai misé quoi? J'ai déjà paumé les vacances des gosses, puis tu m'arrêtes pas en plus. J'ai misé quoi? Ma chemise, ma gourmette, ma bagnole? Mais c'est stratégique, le poker, hein. L'autre, il gamberge pas, c'est un con, il y va comme ça, tu vas voir. Il y a des données scientifiques, à un moment, on va le... Ouais, tu me plais, toi, avec tes 15 ans de pratique, tes combines. Il est en train de nous faire marron, ton pote de régiment, et puis c'est tout. Mais on n'arrête pas de s'arrêter aussi, entre Philippe qui fait l'andouille, Jeanne qu'il a fallu emmener aux urgences et tout, moi j'arrive pas à me concentrer. Ouais. Et l'autre, là, qui a la colique, là. Fais-moi peur, tu chutes de combien? Mais le problème est pas là, je te dis que ça va tourner. Hein, elle est pas finie, la partie. Bon, dis donc, face de fion, tu t'affoles le colon, là? Oh la vache, oh, j'ai dû manger quelque chose de pas frais, je me sens vraiment pas bien, je crois que je vais rentrer. Dis donc, tête de pute, pas à nous, hein. Ouais. Le poker, ça se passe pas comme ça. Allez, on y retourne. Ouais, c'est scientifique. Allez, hop, file. Allez, devant. Ouais. Eh oui, ce joueur un peu fourbe cherche un prétexte pour s'extraire de leur partie de poker. Mais Jean-Claude et son collègue refusent immédiatement de le voir se barrer avec tout leur pognon. Il faut continuer à jouer. Ainsi, nos 6 joueurs reprennent la partie. Seulement voilà, à 2h du matin, Jean-Claude a tout paumé, y compris sa baraque. Va falloir annoncer ça à Monique. Jean-Claude finit par quitter la table, mais excédé par ce type, il tente tout de même de lui faire comprendre qu'il n'est pas dupe de ce qui vient de se passer ce soir. Vous voulez que je sois plus explicite? J'allais vous le demander. Très bien. Vous et vos amis, vous vous êtes ligués contre moi parce que je ne suis pas mon propre patron. Excusez-moi. Oui, vous et tous vos amis libéraux, le docteur, l'avocat, le dentiste, vous aviez décidé de saigner un gagne-petit, un pauvre crétin de salarié. Je parie que vous avez bien rigolé après mon départ. Écoutez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. La vérité, vous êtes nul au poker. Oh, si les règles du poker avaient été respectées, je vous aurais fait mordre la poussière. Mon cher, apprenez que je ne triche pas et que quand on ne sait pas jouer aux cartes, on joue à la marchande. Fais la revanche tout de suite et on verra lequel de nous deux ira mordre la poussière. Je vais vous saigner à blanc. Outré par l'intrusion de la lutte des classes dans cette partie de poker, tous les joueurs incriminés par Jean-Claude veulent lui donner une ultime correction. Ainsi, chacun lui prête 50 euros pour qu'il puisse jouer et commence alors la dernière partie. On distribue les cartes et voici la donne. Le dentiste a un brelan, l'avocat une paire d'as, Hervé et le médecin un jeu tout pourri et la fripouille tient en main un full. Mais notre Jean-Claude, tiens-toi bien, a une quinte. Eh oui, notre filou de Jean-Claude a une quinte de tout. Et vu qu'aujourd'hui, dès que tu tousses, tout le monde se barre par crainte de la grippe A, en quelques minutes, le tripot Jack n'a qu'un œil s'est vidé. Jean-Claude, tout content, récupère sa mise et en profite pour s'en foutre plein les poches. Résultat, il rentre à la maison avec une coquette somme de 1500 euros. Fin de cette partie de poker. Mais n'imagine pas pour autant que notre Jean-Claude est un salaud. Car sais-tu ce qu'il va faire de tout cet argent gagné ? Eh bien, j'ai décidé en mon âme et conscience d'en reverser la totalité à des œuvres humanitaires telles que les Restaurants du Cœur, Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser mourir de faim des gens. Non, je déconne. En fait, je vais tout garder pour moi. Bien, alors maintenant, toujours en direct du Manja Palace à 11h41, après avoir découvert comment cette crapule de Jean-Claude va pouvoir rembourser ses dettes à la taverne de Gros Boule-les-Bains, il est l'heure, bien sûr, désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Cela dit, nous restons là aussi ce matin dans le registre de l'oseille, puisque dans son dictionnaire imaginaire, le mot qui compte triple pour Monsieur Julien Dugast, c'est « bigaille ». Qu'est-ce? Eh bien, c'est de l'argot en écho à la décision de Martin Hirsch, le haut commissaire à la jeunesse, d'instaurer une caisse dans les lycées professionnels réputés difficiles pour lutter contre l'absentéisme. En gros, si tu viens en cours, tu fais gagner de l'argent à ta classe pour partir en voyage scolaire à la fin de l'année. Et bientôt, tu seras payé juste pour dire bonjour à tes professeurs. Quoi qu'il en soit, notre facétieux reporter est allé rendre visite à M. Michel Fize, sociologue au CNRS et spécialiste de l'adolescence. Ainsi, à l'heure où il faut mériter un voyage scolaire, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce que signifie la bigaille. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot wacht. Deux consonnes, une voyelle, big, trois voyelles, deux consonnes, aïe, bigaille. Bigaille, c'est un vieux mot d'argot qui désigne la menue monnaie. Donc on garde généralement au fond de ses poches. Bon, on appelait ça aussi avoir des sous, des petits sous en poche, des petites pièces. Donnez-lui n'importe quel nom, de l'auberge, du pel, du pognon si vous voulez, même encore moins académique, du fric. Allez dire à qui vous voudrez que les braves gens sont considérés et que la richesse est moins précieuse que la vertu, penses-tu? Aujourd'hui, la plupart des enfants disposent d'argent de poche. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Je crois qu'avec l'argent de poche, on peut produire le meilleur et le pire. Le pire, c'est quand on a l'impression que les parents octroient une somme un peu selon leur bon plaisir, qu'ils vont retirer selon le même bon plaisir en fonction... Tant de paramètres, ah ben tu as eu une mauvaise note, donc tu auras moins d'argent de poche, ou tu n'es pas rentré à l'heure, donc on va te supprimer un petit peu. Bien. Bon, je crois que l'argent de poche, ça peut être au contraire une occasion d'assumer des responsabilités, d'apprendre à gérer un budget. C'est cela, oui. Donc de devenir un être en voie d'autonomie, et d'apprendre un peu le sens de l'argent. Papa, tu nous offres une gourmandise? Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Merci maman. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la mesure qui fait beaucoup de bruit depuis quelques jours de Martin Hirsch? Est-ce que vous pensez que c'est une introduction de l'argent dans l'école, dans quelques lycées professionnels de banlieue parisienne notamment? Ce qui est évidemment gênant dans la proposition donc soutenue par Martin Hirsch, c'est quand même qu'elle est particulièrement maladroite et que la communication a été particulièrement mauvaise. C'est cela, oui. Si on avait dit, bon, il y a un certain nombre de lycéens défavorisés, en particulier ceux des lycées professionnels, qui ne peuvent pas accéder à un certain nombre de conditions d'autonomie, je pense en particulier, et ça a été rappelé, le permis de conduire, qui ne peuvent pas bénéficier du droit aujourd'hui que devraient avoir tous les jeunes à pouvoir voyager, un tant soit peu. Voilà. S'il s'agit de corriger ces inégalités, je crois qu'on aurait pu le faire d'une autre manière, en dotant tel ou tel établissement d'une dotation supplémentaire effectivement permettre aux plus démunis de bénéficier de ce que les plus favorisés disposent. Ouais, c'est du pognon. Ouais, c'est du pognon. Mais à partir du moment où c'est pas le mien, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? La question de cette mesure comme réponse à l'absentéisme scolaire n'est pas une bonne réponse. Hein. On sait très bien que l'absence de l'école tient à beaucoup d'autres raisons. Hein. Le décrochage scolaire ne va pas disparaître par un séjour de vacances ou quelques gratifications, quelle qu'en soit la nature. Pas de travail, pas d'argent de poche. D'accord, on est nourri et logé gratuitement de toute façon. Et le Père Noël, il nous offre le reste. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Pour finir, le plus étrange sans doute dans toute cette histoire, c'est qu'on dise aux mômes qui sont au banc de la société, ceux qui ont le plus besoin d'être aidés, toi Coco, tu dois le mériter ton voyage scolaire. Sinon fais gaffe, tu vas rester dans ton quartier tout pourri que c'est nous qu'on a mis tes parents dedans. Cela dit, attention, il y a tout de même de gros efforts qui sont faits pour certains jeunes de banlieue. France toujours avec cette polémique, Jean Sarkozy devrait prendre la présidence de l'EHPAD, un établissement public qui gère le quartier de la Défense. Jean, comment fait-on pour trouver un poste avec autant de responsabilités à 23 ans? C'est la procédure normale. J'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. À l'EHPAD? Non, à papa. Ensuite, comme tout demandeur d'emploi, j'ai été convoqué à un entretien d'embauche. Par l'EHPAD? Non, par papa. Et hier, on m'a appelé pour me dire qu'ils avaient retenu ma candidature. L'EHPAD? Non, papa. L'EHPAD, ce qu'ils prennent en charge, c'est le salaire. Tellement ils vont cracher la thune, tellement je vais brasser de l'oseille, tellement je suis le teenager le plus puissant de France. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non! Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Vous êtes fou? C'est pas moi? J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs. J'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi. Tu es méchant, il est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, non, non, non. Mais c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. C'est fou, dis. Oui, c'est bien toi qui l'a volé. Il y a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Appelé, appelé, appelé, appelé, appelé, appelé, l'orange. Mais non, mais non, non, non. Appelé, appelé, appelé, l'orange du marchand. C'est fou, c'est pas moi. J'ai pas volé, pas volé l'orange. J'ai trop peur des malheurs. J'ai pas pris l'orange du marchand. Y'a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup. Y'a fait longtemps qu'on te guettait. T'auras la corde au cou. C'est fou, non? Pour toi ce jour, c'est le dernier. Tu es qu'un sale voleur. J'ai rien fait. D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur. Vous vous trompez, je courais dans la montagne regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. Il a volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé, l'orange. J'ai un champ d'orange. Tu as volé, pas volé, j'avais pris, pas volé, il a volé, l'orange. Laissez-moi, tu as volé, il a volé, il a volé, la corde qui te pendra. Vous êtes tout là. L'orange, c'était Gilbert Bécaud en 1964, un succès conservé dans son jus, et peu importe le contenant, qu'il vécut bouteille ou qu'il vécut brique, c'est une mécanique qui fonctionne. Au Corva, on sert du lait plus. Lait plus Vélocette, ou Saint-Émesque, ou Drinkrand. Nous, on en était au Drinkrand. Ça vous affûte l'esprit, et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence. Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mansion Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh, j'ai lu la presse. J'ai bien lu la presse. Et cette semaine, la presse est poilue. Poilue. Et oui, tout d'abord, il y a le magazine Têtu qui nous annonce à sa une la tendance du moment. C'est le retour de l'homme à poil, avec un dossier intitulé « Merci d'être velu ». On y apprend notamment que nous vivons le comeback du poil corporel et que le poncé huilé est rétro. Bon, alors Philippe, dans un premier temps, j'avais pensé qu'il s'agissait d'une information secondaire. Mais pas du tout ! Le grand retour du poil fait la une ce mois-ci d'un autre magazine de référence, Arts et Décorations. Oui, alors une petite précision. Hein. Si le poil habite Têtu, dans Arts et Décorations, le poil aboie. Oui, pour ces deux rédactions, c'est le même combat pour encenser le poil. On peut en profiter contre un mur ou au centre de la pièce, nous dit Arts et Décorations, ou Têtu, je sais plus. Enfin bon, ils ont tout pour plaire. Et quand Têtu parle d'imberbe en hurlant « suce au poil », Arts et Décorations rappelle en fourbasse qu'avec son bon corps de chauffe, le poil nous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt au poil. Alors Philippe, donc, les poils sont à l'honneur. Il y a par exemple cette petite boule de poil dont nous parlait le Parisien la semaine dernière. Sumo. Ah oui, Sumo, oui. Et oui, le bichon maltais du couple Chirac. Oh, il va mal. Il a mordu Chirac donc, pour la troisième fois. À l'estomac, il a frappé au ventre, comme l'aurait demandé une Agrippine couverte de cheval. De poils. Excusez-moi, ma langue a fourché. Et c'est le drame, il faut se séparer du chien. Bernadette Chirac nous donne l'explication de cet étrange comportement. Sumo n'a pas supporté de quitter l'Elysée. Il a le cafard, il est devenu agressif et hargneux. Oh, pardon, écoutez, j'entends une remarque qui nous vient d'un auditeur des Yvelines. Dominique de Villepreux. Ah, ben oui. Qui dit à côté de son transistor, hargneux, Élysée, mais de qui parle-t-on ? Je sais pas. Enfin bon, ce qui est dommage, c'est de se débarrasser de Sumo. Hein, parce que Bernadette aurait sans doute pu lire le magazine 30 millions d'amis qui, ce mois-ci, nous offre un dossier intitulé « Aidons-les à bien vieillir ». Oui, avec l'âge, il s'avère de plus en plus difficile de marcher, de courir, de monter les escaliers, explique 30 millions d'amis, qui nous propose sur ces questions majeures le témoignage de Nicolas, éducateur canin en région parisienne. Alors, voilà Philippe, j'ai laissé tomber Fissa, 30 millions d'amis, pour bondir sur Le Parisien aujourd'hui en France, de mardi dernier, qui nous expliquait que Nicolas, éducateur de ministre en région parisienne, a effectivement mis son gouvernement au régime. Ah oui. Oh, ça rigole pas. Hein. Brice Hortefeux est devenu un accro du menu soupe, fromage blanc, fruits rouges. Voilà, bon. Ah, encore une remarque d'auditeur, Olgane Mérignac, qui demande si les régimes chez les ministres, c'est encore un coup de com' ou bien si c'est par solidarité avec tous ceux qui serrent la ceinture. Écoutez, les gens, comment ils sont. Mais non, il est comme ça, notre président, il porte une attention majeure à tous ses proches. Et oui, il est très soucieux de ses proches. Et à ce sujet, la presse a beaucoup parlé de la très prochaine élection de Jean Sarkozy, le fiston. Aïe. Et oui, qui va être peut-être, sans doute même, président de l'EHPAD, l'établissement public du quartier d'affaires de la Défense, dans les Hauts-de-Seine. Ah ben, écoutez Philippe, je sais pas vous, mais alors là, d'un coup, ah oui, vous n'avez pas entendu dans le cas, ça hurlait népotisme partout. Non, mais pas du tout. Alors là, moi je dis... C'est pas vrai. Jean Sarkozy est l'exemple vivant de la réussite du plan banlieue et du plan jeune réunis. Les deux ensemble. Eh oui, un petit gars de 23 ans qui réussit sans diplôme en plus. Eh oui, hein, il a le bac. Tout simplement parce qu'il veut se battre, c'est beau. Et ceux qui critiquent, ce sont des jaloux qui n'aiment pas les belles histoires. Oui. D'ailleurs, Philippe, j'ai lu pour vous le mensuel Les Belles Histoires du mois d'octobre, le magazine des 4-8 ans. Ah oui, c'est très bien. Alors, comme très jolie histoire, il y a celle de Zouk et de son copain Nono. Zouk et Nono ont décidé de monter sur le plus haut gratte-ciel de la grande, très grande ville. Alors, effectivement, hein, on a des images, on les voit tous les deux au pied d'immenses tours de verre. Et c'est très net, hein, c'est une très grande ville. Zouk et Nono grimpent au sommet du gratte-ciel et ils découvrent un laveur de vitres dans sa nacelle. C'est sans doute un administrateur de l'EPAD hein, qui doit vite faire jarter pour laisser sa place au fiston. Et d'ailleurs, Nono lui demande s'il peut appuyer sur le bouton rouge. Ben non, crie de laveur de vitre, touche pas ça. Mais ce couillon de Nono, il s'en fout. Il appuie sur le bouton, ça décroche la nacelle, un câble se détache et le laveur de vitre est suspendu dans le vide. Alors là, Philippe, je vous lis texto le texte. Les pompiers arrivent aussitôt, mais c'est trop haut pour leurs grandes échelles. Il y a aussi les télés venues pour filmer l'actualité. Et le président arrive pour les sauver. Je vous jure, c'est écrit, le président arrive pour les sauver. Il ressemble à quoi le président? Ben, écoutez, il y a une image. Costard sombre, léger brushing, paire de Ray-Ban. Bon, je vous passe les détails. Hein. Le laveur de vitre est sauvé. Et quand le président s'approche de Zouk, pour féliciter tout ça, Zouk s'écrie « Oh qu'il est petit !» Oui, le président a la même taille que les enfants dans les belles histoires. Voilà Philippe, même dans la presse pour gamins, notre président est moqué et dès lors on comprend très bien qu'il compte fort sur son propre fiston, sans doute rassuré de voir combien tous ses amis le caressent dans le sens du poil. Merci Monsieur Moody pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 174e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi à 11h pour la cellule de dégrisement et le dimanche matin pour le Mangin Palace. À ce propos, juste un mot pour vous rappeler que la semaine prochaine, justement, dimanche à 11h, nous serons en direct de Marseille à l'occasion de la Fiesta des Suds. Et c'est la première fois depuis 4 ans que nous produirons la panique en extérieur et en public. Alors on compte sur vous, rendez-vous sur le Vieux-Port et sur les ondes, c'est au café La Samaritaine, il ne faut pas réserver, il faut venir, et nous verrons comment nous nous organisons. Voilà, Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite, les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Alain Arnstam et de Jean-Philippe Jeanne. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'aux formidables documentalistes de Lina et à Marion Cross, notre stagiaire. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un tout nouveau site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique. Et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter et sur le Vieux-Port pour un nouvel épisode du Mangin Palace à Marseille. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao! On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.